Eh bien moi je dis tout simplement je suis quoi ? Eh bien je suis Keys. Bonjour le groupe Keys, donc Alice et Marc, bienvenue sur Arc-en-Ciel. Bonjour. Détour, donc c'est le deuxième album alors ? Alors en fait non, c'est le premier album et avant on avait sorti un EP. En fait un EP c'est un 4 ou 6 titres, nous on avait fait un 4 titres. D'accord. Et donc du coup c'est un peu les prémices de l'album, on l'avait sorti un an avant de sortir notre album. D'accord, 14 titres cette fois-ci, je ne me suis pas planté. C'est ça. Voilà. Ouais. Il s'appelle Détour. Alors pourquoi Détour en deux mots ? Détour, pourquoi en deux mots ? Bah, déjà, c'est un des titres de l'album. Oui. Et ensuite, c'était comme on aime bien utiliser les jeux de mots et qu'on aime bien détourner un petit peu tout ce qui nous entoure. D'ailleurs, sur la pochette de l'album, tout est un petit peu retourné autour de nous. Voilà, c'est l'idée de faire un détour de tous nos détournements. D'accord, et bien tout de suite, puisqu'on l'a derrière, je te propose d'écouter Détour, le détournement du groupe Keys. Aller voir la mer, nager l'eau des lacs, se tromper de route en perdant l'essence, être à contre-jour, être à contre-sens. Alors donc on peut qualifier cette petite musique aux frontières de l'électro et de la pop acoustique, hein, c'est ça le groupe, hein. Oui voilà, en gros on aime bien se qualifier de électro-pop acoustique parce que justement on utilise pas mal de sons électro, beaucoup de synthé. Après pop parce que y a un côté assez frais, c'est sucré en français, ouais, c'est du vrai. Coup, ouais. Ah, voilà. C'est... Et puis acoustique parce qu'on utilise des objets du quotidien pour créer nos rythmiques. Lesquels ? Par exemple, là sur Détour, par exemple, oui. Le morceau qu'on vient d'écouter, c'est toute ma rythmique, c'est-à-dire la batterie a été faite à partir de son de voiture. Donc c'est par exemple une portière qui claque, fermer le coffre, jouer avec des clés, c'est vraiment c'est tout ce qui... étonnant. D'accord. Voilà. Alors vous allez partir en tournée, pour tous ceux qui veulent vous suivre et qui seront en vacances par exemple dans le sud-ouest, vous allez faire pas mal de dates du côté du sud-ouest. Mont-de-Marsan, ouais, Moliets, Mimizan, tous ceux qui seront en vacances là-bas en juillet et août vont pouvoir aller vous applaudir. Exactement, on part... commence à partir du mois de mai à tourner et puis l'été on sera vraiment sur les côtes ouest, sud-ouest, est, ça va être super. Et vous serez de retour dans notre région, enfin en tout cas pas très très loin, du côté d'Auxerre, Nevers, Cône pour ceux qui veulent aller dans ces coins, ou Sens, c'est pas si loin que ça d'Orléans non plus, fin août, les 20... Voilà c'est ça, ouais, fin août. À partir du 28 août, 28, 29, 30. Donc pour suivre toutes ces dates-là, rendez-vous sur tous les réseaux sociaux qui vous suivent, donc Keys, on tape Keys Music et puis on trouve tout en fait. Ouais. On peut aller sur notre site kickismusic.com, il y aura tous les réseaux sociaux en lien à l'intérieur. Vous êtes auteur, compositeur et moi, de manier comme ça la langue française, c'est pas un petit peu difficile ? Ouais, c'est un peu dur parce que c'est une langue qui va moins facilement groover que l'anglais. Voilà, oui. Va moins facilement couler comme ça quand on le prononce. Et en plus, il y a le côté sens. C'est-à-dire qu'un refrain en français, ça peut très vite sonner cucu. Donc c'est un peu dur de jongler avec tout ça et faire un morceau qui sonne, c'est sûr. D'accord. Eh bien, moi, on écoute tout de suite. Est-ce que tu sens ? S-A-N-G. Je vais te plier en 10. Tu vas goûter aux délices de voir passer ton ultime crépuscule. Et toi, sens-tu le vice ? Moi, éclairer la piste. Va s'écraser ta triste solitude. Est-ce tu dois, même tu. Le goût du sang. Est-ce que tu sens Tu me tutoies, même tu. Est-ce que tu sens Alors moi j'ai demandé au Keys, est-ce que tu sens, oui, est-ce que tu sens le groove, le Keys? Alors sur scène, vous êtes deux, vous jouez de la musique en même temps sur scène, plus accompagné de, alors, peut-être pas de la voiture qui fait la batterie, mais une petite boîte avec vous? Alors en fait non, on est sur scène, on est quatre, on est vraiment deux à tout composer, tout écrire et toute la partie studio. Après pour ce qui est de la scène, du live, on est quatre accompagnés d'un batteur et d'un bassiste, mais effectivement qui n'ont pas des instruments, on va dire, de base, on essaye de vraiment tout détourner. Par exemple le bassiste il a une toute petite basse mais qui fait un son énorme, c'est assez rigolo. Et puis le batteur il a un kit un peu hybride, avec plein de pads intégrés, c'est pas des instruments conventionnels, on va dire. D'accord, c'est bien parce que ça prend pas de place dans la voiture comme ça. Quand on part en tournée, on est plus tranquille. Alors en plus, quand on regarde aussi les clips vidéo, comme tu dis, tu essayes toujours de détourner, de faire des choses complètement différentes. On voit des moitiés d'hommes, des moitiés de femmes. Vous mélangez tout, aussi bien dans voyelles que dans Est-ce que tu sens, dans tous ces clips. Et c'est pareil, les idées de clips vidéo, elles vous viennent comme ça. En fait, le clip, on y pense dès la composition, parce que faire des vidéos, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Donc au moment où on compose le morceau, déjà on réfléchit à des idées de clip, à la couleur qu'il y aura, au lieu, etc. Donc finalement quand on arrive au moment où il faut tourner, il est déjà pas mal mijoté dans notre tête avant de commencer. Et bravo pour la réalisation, parce que c'est très très bien réalisé vos clips, franchement bravo. Merci beaucoup. Je vais faire découvrir à Émilie tout de suite voyelle en clip vidéo aussi tout de suite, parce que voyelle, moi j'ai affectionné quand on l'a eu la première fois et que Keys, on écoute tout de suite voyelle, on en reparle après avec vous. Quand tu piges pas, j'aime quand tu cries et si tu ne cries pas. J'aime ton i, j'aime ton a, j'aime ton i, j'aime ton a. J'aime quand tu parles et quand tu parles plus, c'est que tu te perds dans tes a, dans tes u. J'aime quand tu vibres si tu ne vis plus. J'aime ton a, j'aime ton u, j'aime ton a, j'aime ton q. À écrire, hein, comme vous avez dit, vous avez détourné les objets. Et alors, c'est chez vous là, les images voyelles? Non, c'est votre grand immeuble? Non, c'est un hôtel qui se trouve près de Pigalle. D'accord. Et qui a, comme vous pouvez voir, une décoration assez atypique. Oui, bah oui, oui, c'est alors, vrai que c'est merveilleux. Moi, je vais jouer la question indiscrète. Alice et Marc, cette complicité là qu'on voit dans vos clips et puis qu'on ressent dans vos titres, elle vient de quoi? Frère, sœur, couple, à la vie? Mais en fait, on s'est rencontrés dans une école de musique, donc la passion de la musique et puis la passion de la chanson française nous a tout de suite donné envie de créer un groupe et de professionnaliser dans quelque chose qui, voilà, dans un projet commun. Donc c'est une amitié qui date de longtemps, c'est ça? Ouais, ça fait six ans qu'on travaille ensemble. Ouais. On a la même complicité avec les deux musiciens qui nous accompagnent, David et Florent. Mais ça se sent, c'est pour ça qu'il y avait un côté gémélique dans ce que vous faites. C'est pour ça que je voulais poser la question, parce qu'on sent que vous êtes proches. C'est aucun lien de famille. D'accord. Alors justement, le groupe Keys, vous êtes quatre sur scène, vous tournez en France. Quels seraient les petits projets? Qu'est-ce que vous voulez faire par la suite? Il y a une petite idée? Il y aurait des rencontres que vous auriez voulu faire avec un groupe ou un duo avec d'autres chanteurs? On a eu la chance de rencontrer M. D'ailleurs, on va faire une scène, on va partager une scène avec lui cet été. Ah, c'était un artiste qu'on apprécie beaucoup et qui nous a beaucoup influencé dans notre carrière. Donc du coup, c'est une rencontre assez incroyable. On rencontre pas mal d'autres artistes aussi, donc c'est très agréable d'échanger. Après, là, du coup, on se concentre énormément sur la tournée d'album qui va être quand même assez importante. On part aussi en Allemagne. Oui, vous allez faire la fête ensuite, de la musique là-bas, c'est assez étonnant ça. Voilà, c'est ça. Et puis ensuite viendra les débuts d'écriture d'un nouvel album. Très bien. Et la complicité sur scène avec M, ça se fera quand? C'est le 4 juillet à Poupet, c'est en Vendée. Très bien, ben, bravo pour tout ça. D'accord, c'est super. Et moi alors, est-ce qu'il y a un petit morceau sur votre album que vous voulez qu'on écoute, qu'on n'entend pas souvent en radio, parce qu'on aime bien aussi vous faire plaisir? Un petit truc que tu voudrais faire découvrir au public justement sur l'album? On aime bien, parce que c'est pas un morceau qui est très format radio parce qu'il est assez court, mais on l'aime beaucoup, c'est Été 2016. Oui. Un morceau qu'on a fait à partir des enregistrements de toute la tournée 2016. D'accord. On improvise un morceau à partir de mots, de phrases que le public peut donner. Et donc on a gardé tous les sons de la tournée, ça fait à peu près 200 sons, on a fait un morceau avec. Eh bien on écoute tout de suite Été 2016, Keys. Magnifique. Été 2016, un extrait de Keys, l'album des Keys, des Tours, on peut le retrouver partout, votre album, ou alors il faut le commander sur votre site? On peut le commander sur le site, mais il se trouve aussi dans tout ce qui est Fnac, Cultura, ou aussi sur Internet, d'ailleurs, sur iTunes, Amazon, bref, un petit peu partout. D'accord, il suffit de demander des Keys, et puis si on ne l'a pas, on va voir chez le prochain disquaire, ils le trouveront à la place. Voilà. C'est ça. Des Keys, et donc la grande tournée, votre petit site internet, votre Facebook, Keys Music. Moi, je voulais vous demander quelles sont vos petites influences, parce que là, vous êtes quand même quatre dans le groupe. Est-ce que vous avez été tous influencés par la même musique, ou chacun a sa petite couleur qu'il essaye de ramener un petit peu quand même dans le groupe? Alors, on compose vraiment tout à deux avec Alice. D'accord. Donc, en règle générale, David et Florent, ils adhèrent au style, mais ils ajoutent pas trop leur patte non plus. D'accord. Sauf ensuite pour ce qui est des arrangements en live, mais ça reste toujours dans la bonne ligne directrice du du projet. Pour ce qui est des influences, on a des influences très différentes, Alice et moi, parce que moi j'ai plutôt été bercé par toutes les chansons françaises, de Goldman à Thomas Fersen, voilà, plutôt tout ce qui est chansons à texte. Alice, elle, de par ses parents, elle a été bercée un peu plus dans la musique jazz, blues. Voilà, c'est vraiment des choses, des univers très différents. Mais bon, on se retrouve quand même sur certains artistes. On aime beaucoup Camille, on aime beaucoup Mathieu Chédid, on aime beaucoup plus récemment là, le groupe The Do. Bon, voilà, on a des inspirations communes, mais en même temps très, très différentes. D'accord. Et alors, le son live, c'est exactement le même à peu de choses près, ou il change un petit peu, il est un petit peu différent, le live, de ce qu'on peut avoir sur l'album? On n'aime pas trop, en règle générale, aller à un concert et avoir juste un album, mais un peu plus fort et avec la personne en vrai. On aime bien un petit peu voilà, que les gens redécouvrent un peu le titre de manière un peu différente, sans non plus trahir l'album et partir sur quelque chose de complètement différent. Mais donc, en règle générale, on aime bien un petit peu réarranger les titres de l'album. Il y a quand même des morceaux qui sont très peu différents, mais il y a quand même pas mal de titres qu'on, voilà, qu'on rallonge, sur lesquels on rajoute des parties, on change les arrangements. Chaque concert est différent finalement. Oui, chaque concert est différent, ouais. Et puis, comme c'est un concert très interactif avec le public, ça dépend du public, ça dépend du lieu, ça dépend du moment de la journée. Donc, en fait, à chaque fois, c'est vraiment un concert particulier sur le moment et en fonction du public qu'on a avec nous, quoi, ce soir-là. Il participe presque à votre création sur scène. Oui, exactement, On est assez demandeurs. C'est pas reposant, un concert de Keys. On aime bien avoir le public un maximum. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, il y a un titre qu'on fait à partir de son du public. Donc voilà, ils sont vraiment à part entière dans le concert. Dépensez beaucoup d'énergie, votre énergie positive à vous. C'est ça que vous diffusez dans vos musiques. Oui, on aime bien qu'à la fin du concert, les gens aient le sourire et aient passé un bon moment. On en a besoin. Mais même en écoutant vos titres, c'est ce qui se passe. Merci. Parfait. Et moi, je rappelle donc une date importante aussi pour vous. C'est le 12 mai, concert à Paris, au Flow. Et puis après, en tournée dans toute la France. Pour retrouver donc toutes les dates, keysmusic.com, le Facebook Keys Music, ou après Twitter, Instagram, YouTube. Enfin, on peut vous retrouver un petit peu partout en tapant Keys Music. Musique en français, hein, pas music IC, hein, c'est Q-U-E. C'est ça. Exactement. Parce que c'est de la musique française, voilà. Tout simplement. C'est logique. Voilà. Et bien, moi, je vous remercie beaucoup, hein. mille merci au groupe Keys. On vous souhaite une belle tournée, hein. Et puis dès qu'il y a des nouveautés, si vous passez par Orléans ou pas loin, hein, vous venez nous faire un coucou, promis, on vous attend. Eh ben promis, en tout cas merci beaucoup pour l'invitation, ça a été un plaisir d'être avec vous ce midi à l'antenne. Et on n'y manquera pas. Voilà. Et puis pour vous remercier, bon, moi je dis rien que tel qu'une belle petite pause café alors. Ah. Exactement. Bon café. Bon café. À bientôt les Keys, merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça, c'est la machine à café, tu vois. Soleil, plein les oreilles, plein les yeux.